Chapitre 11. Le vœu, nadr, pour un autre qu'Allah, fait partie du polythéisme. Allah le Très-Haut dit, quelles que soient les dépenses que vous avez faites, ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. Sourate la Vache, verset 270. Dans le recueil de hadiths authentiques, Aïcha, qu'Allah l'agré, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, quiconque fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse, et quiconque fait le vœu de lui désobéir, qu'il ne le fasse pas. Rapporté par Al-Bukhari dans le livre des serments et des vœux. Les points à retenir. Premièrement, l'obligation de respecter les vœux. Deuxièmement, sachant que cet acte est une adoration d'Allah, l'avouer à un autre que lui est une forme de polythéisme. Troisièmement, il n'est pas permis de respecter un vœu de désobéissance à Allah Azawajal. Commentaire. Sur le sens du verset, ils accomplissent leur vœu. Allah Jalla wa'ala a fait l'éloge de ceux qui respectent leur vœu. Or, cet éloge implique que cette adoration est aimée d'Allah Jalla wa'ala et légiférée. Il s'agit donc